Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec le prog de 2017, quoique nos amis des Illusions Auditives, dont Jacques, avaient pas mal de nouveautés de 2017 dans le prog à faire jouer ce soir, des nouveautés qu'on n'a pas encore entendues, mais qu'on a pu entendre aux Illusions Auditives. D'ailleurs, les gars des Illusions vont nous remplacer la semaine prochaine, puisque ce sera le festival Terra Incognita. Alors, on les en remercie d'avance. Et on poursuit donc cette belle épopée musicale ce soir. On a plusieurs nouveautés. Déjà, bon, on est seulement en mai et il y a beaucoup de disques qui sont parus. Alors, on aura la nouveauté de Stuart Bell qui était le claviériste de Citizen Kane et son The Antechamber of Being Part 2. Son nouveau disque Stories from the Antechamber. Et comme pour le premier, on a la participation aux voix de Simone Rossetti de The Watch et Arjen Lucassen de Herion. Et c'est comme pour le premier, un opéra rock assez musclé dans les guitares et toujours très prog. On aura donc une pièce de The Antechamber of Being Part 2, la pièce de Probability of Improbability. On aura également la nouveauté du groupe italien Mogador, leur troisième disque. C'est un album qui a pour titre Chapter Sands. Non, c'est le quatrième, voilà. Ils sont formés en 2007, Mogador, et donc ça vient tout juste de paraître. On aura la pièce Summer Sun de ce nouvel album. On a également une pièce, la nouveauté de Gongfly, qui est le projet de Richard Schoblum. Et c'est un nouveau disque donc qui vient tout juste de paraître et intitulé... On Her Journey to the Sun, on aura un extrait de cet album-là, la pièce Old Demons Die Hard. Et également, Glasshammer, comme vous le savez, la semaine prochaine, demain, il y a Adrian Bilou, on en aura un peu plus tard dans l'émission. Adrian Bilou à la salle Jean-Paul Tardy en Power Trio. Et également, à partir de vendredi, on a l'hommage à Yes avec The Concert. Yes, The Concert, un superbe hommage à Yes, donc le vendredi soir au Festival Terra Incognita. Le samedi, on a Universe Effects du Québec avec ensuite Eden Song des États-Unis et leur nouveau le concert de leur nouvel album et également Glasshammer, leur seconde visite au Canada. Glasshammer, dont on aura un extrait de, je pense que c'est leur meilleur album en carrière, The Unconcealable Secret. Ils en ont beaucoup, hein. Ils ont 25 ans de carrière. Et cet album a été réédité en 2013, remasterisé. On aura l'excellente pièce Maker of Crowns. Donc, et on aura d'autres pièces, d'autres nouveautés un peu plus tard dans l'émission. On y va tout de suite avec Stuart Bell, The Antechamber of Being Part 2, suivi de Mogador. Science, it's all coincidence. They say it has no purpose, it's all just meaningless. They say cold, dark, inhuman forces run the show. This can't be so.

Oh, Watching them. sweat, and from lead to the beat of hammer and tong. No simple crown did he raise from the Le groupe Glass Hammer, c'est un groupe qu'on pourra voir la semaine prochaine, c'est samedi prochain, manquez pas ça. Dans une semaine, au lieu d'écouter Terra, ben, venez faire un tour au Festival Terra Incognita pour écouter le groupe Glass Hammer. Ça, c'est tiré de leur album The Unconsolable Secret, la pièce Maker of Crowns. C'est toute une pièce, mais tout l'album est vraiment super bon. C'est un album double. C'est un groupe vraiment qui roule depuis 25 ans et qui sont évidemment très professionnels. Il y a également ce festival-là, Eden Song, le samedi, et le groupe Universe Effects de Québec. Également un guitariste qui fait une prestation acoustique vers 4h15. Il y a des exposants, on peut parler aux artistes, faire signer les autographes, tout est disponible pour tout le monde, puis l'ambiance est super bonne. Et le dimanche également, il y a le groupe de l'Italie, deux groupes de l'Italie, hein, et le Paradiso degli Orchi et Fabio Zuffanti, également un groupe de l'Écosse, Comedy of Errors, qui viendront présenter certainement des pièces de leur nouvel album qui va paraître très bientôt. Également, parlant de nouvel album, il y aura le nouveau Myriodor qu'on aura pour vous dans les prochaines émissions. L'album Signal 9 ou Signal 9, qui est chroniqué d'ailleurs dans Le Soleil d'aujourd'hui. Et il y a plusieurs albums qui s'en viennent, dont Nexus de l'Argentine, leur nouvel album, et plusieurs nouveautés. On a plusieurs nouveautés d'ailleurs pour vous encore ce soir. Ce qu'on a entendu, là, donc Glass Hammer, puis juste avant Mogador. Mogador, c'est leur quatrième album, c'est un groupe de l'Italie. Et c'est assez rock dans l'ensemble pour cet album-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est le violon dans ce groupe. Et on avait débuté avec Stuart Bell, son nouvel album The Inner Chamber of Being Part 2, et la pièce The Probability of Improbability. Avec, vous avez reconnu Simone Rossetti qui chante dans The Watch. The Watch qui aura un nouvel album qu'on recevra bientôt aussi. Et on a pas mal de belles choses qui s'en viennent, dont le nouveau Il Tempio delle Clessidre, dont on entendra un extrait tantôt, l'album Il Ludere. Et on aura également Big Big Train, le nouveau Big Train, un second extrait de Grim's Pond. Également une pièce de Cast, Power and Outcome, leur nouveau disque. Tout ça dans l'émission, mais on y va tout de suite en musique avec Ostsonaten, tiré de The Rime of the Ancient Mariner, Chapter 1, et la pièce Prologue, puisqu'on pourra voir Ostsonaten dimanche prochain. Oh. Ah oui, non, on commence par Gongfly, c'est ça. Gongfly, effectivement. Bruno me rappelle à l'ordre. Oui, j'en parlais tantôt. Alors, Richard Schoblum, Gongfly, c'est son nouvel album qui vient tout juste de paraître. L'album On Her Journey to the Sun. On ira avec la pièce Old Demons Die Hard. Consequences are the last thing on my mind as I now enter your land. Your land. Drifting down on memory lane, I know this place so well. You call it home, I call it hell. Yes, I call it hell. Thank you. it felt to look into your eyes. We were too young and you were too wise. And in the midst of our demise, you always saw through my lies. I think I was scared of you, but what does my vision of you have to do with the person you are? Harder than before, there's a scent of perfume around you. But are my memories true? Or is it like when people die and you lie to yourself to forget all that was really bad? I think I was scared of you, but I love that I was. Are in your favor once more. It's me versus the are the last thing on my mind. 89.1. CKRL, Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Cet été, offrez-vous des vacances de rêve dans le plus grand réseau de plein air du Québec. La CEPAC offre des aventures pour tous les goûts aux quatre coins du Québec. Profitez-en pour respirer le grand air, attraper un poisson, fouler des kilomètres de sentiers, naviguer sur l'eau et dormir à la belle étoile. Des vacances qui laisseront de merveilleux souvenirs à jamais, aux petits comme aux grands. Planifiez votre séjour dès maintenant à CEPAC.com. La maladie d'Alzheimer peut causer la perte d'autonomie, la confusion, des difficultés à exécuter les tâches quotidiennes, ou bien même des changements d'humeur et de comportement. Et pour les personnes atteintes, la maladie peut en plus causer la perte de mémoire. Vivre avec une personne atteinte de l'Alzheimer est aussi lourd de conséquences pour les proches aidants. Mais il y a l'espoir. Joignez-vous à la Marche pour l'Alzheimer le dimanche 28 mai. Inscrivez-vous à marchepourlalzheimer.ca. La SDC de la 3e Avenue, en collaboration avec Autobus Fleur de Lys, vous offre un service de navette de la 3e Avenue au Centre Vidéotron pour le concert du groupe The Weeknd le 31 mai. Réservé dans un des restaurants-bars participants de la 3e Avenue. Le Bal du Lézard, Stratos Pizzeria, La Planque, Os Rotisserie, Le Cendrillon, Sushi Niki, La Salsa Miyagi Bistro Thaï, Les Fistons et Osakaya Sushi. Aimez et partagez la publication du service de navette sur la page Facebook de SDC Limoilou et courez la chance de gagner une paire de billets pour All & Oates et Tears for Fears le 21 juin prochain. La saison automne-hiver tire à sa fin et c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2017. Du 13 au 19 mai, rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite dans la catégorie Choix des auditeurs. En participant, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau chez Poil et Plume. Les lauréats seront connus le 26 mai prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, Ost Sonaten, un groupe qui sera du Festival Terra Incognita la semaine prochaine, le dimanche, c'est de l'Italie, et ils ont invité à se joindre à eux deux artistes québécois, la chanteuse Claire Vézina et une violoniste, et donc ce sera rock et orchestre un peu. J'ai bien hâte d'entendre ça. Il y aura également donc les autres groupes qu'on a nommés. Et demain, Adrian Belew Trio. Alors, on ira avec une pièce de Belew en solo. C'est une pièce de King Crimson, en fait, qui est tirée de l'album Track, qui pour moi est un des meilleurs albums de rock progressif des années 90, Track de King Crimson. Et cette merveilleuse pièce Dinosaur, donc c'est à ne pas manquer, c'est toujours très dynamique, sympathique. C'est le fun à voir Adrian Belew donc demain à la salle Jean-Paul Tardy du collège Saint-Charles Garnier. Donc Adrian Belew Trio. Vendredi, Yes Songs, un superbe hommage à Yes, le vendredi au Centre d'art La Chapelle, et le samedi et dimanche également, Terra Incognita au Centre d'art La Chapelle. C'est ce qui s'en vient dans la prochaine semaine en spectacle. Donc on y va avec Belew. Ensuite, on va enchaîner avec d'autres nouveautés, dont Il Tempio delle Clessidre, tiré de Il Ludere. On aura également Big Big Train, un second extrait de Grim's Pound, puisque Jean-François en a fait jouer un premier la semaine dernière. On aura également le groupe Carp Tree de la Suède. On aura Cast du Mexique, Steve Hackett, Camellia's Garden de l'Italie également, Maxophone. Et on aura, pour terminer, pour faire une transition avec l'autoroute, Roger Waters, un second extrait de son nouveau disque apparaître bientôt, qui est une pièce intitulée Déjà Vu. Donc, déjà vu, vous allez comprendre pourquoi. Et bon, on y va tout de suite en musique, comme je le disais, avec Adrian Belew.

spettro, spettro del palco, tingo il viso di bianco, lo spettacolo è infallibile con la grazia dell'alto. Specchio delle mie brame, corro il rischio fatale, per il brivido gusto macabro che ho nell'improvvisare. Thank you. nature is a fluid. The surface will solidify. Never turn to the molding of a memory that is ever changing and hardening in time to the story I told. Stand. Circle spins, mirror shakes. the many spots around my head. Details shine, details miss, have not flied away the pieces. Details stall, details start, have not finished to grasp the journeys. Details first, details last, it's a play. Details remain to complete and fulfill. Many projects ahead to get built through. It is so much hard work. The clock ticks, progress shows. It may be such hard work for the rest. chill of December, oh, lay me down. When the winter's cold surrounds you, you're so cold. When I think of you, my soul, feel the world. Of this ending, oh, lay me down. While I sing for you of the rainbow I have got, all the meanings of your soul. Think again that will end time. I can see the light. So true, melodies we call your name. Springtime, I laid you down. In a moment, all the winter passes through. Know the lonely is that you left me for a wind. Oh, I can see the light. So cruel, melodies are wrecking me. Thank you. Et sur les ondes de CKRL à Terra Incognita, vous avez eu un doublé italien. Ça, c'était Maxophone, tiré de leur album, nouvel album paru cette année, La Fabbrica delle Nuvole. Et ils avaient réalisé un seul album dans les années 70, ce groupe-là. Alors, 40 ans plus tard, et la pièce Il Passo del Ore, juste avant Camellia's Garden, tiré de l'album You Have a Chance, voilà, et c'était la pièce Mellow Days. Et on avait eu Big Big Train du Royaume-Uni, leur nouvel album Grimspound, et la pièce On the Racing Line. Et ce qui va terminer l'émission, c'est Roger Waters, que vous connaissez évidemment, et un nouvel extrait de son album à venir, la pièce Déjà Vu. Alors, en entendant cette pièce, vous comprendrez que vous avez peut-être déjà entendu une ambiance similaire à celle-ci. Alors, on y va tout de suite avec Roger Waters. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation avec vous pour cette émission. Restez des nôtres à CKRL pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve dans quelques instants. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies, guidance and the element of surprise. I would be afraid to find someone maybe a woman at a stove, baking bread, making rice, or just boiling down some bones. If I were drunk, temples in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black, the trout in the streams are all hermaphrodite, you lean to the left but you vote to the right, and it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. And the love that got lost. on my golf stream in circular pools. There's 99 cents worth of drunkards and fools. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. CKRL. À Québec. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle,